3. Comprendre des instructions. Exercice 7. Bonjour, c'est Madame Laforêt de l'entreprise Guimauve. Je vous appelle pour le travail de secrétaire. L'entretien avec le directeur est jeudi à 15h45. Pouvez-vous apporter votre CV et une photocopie de votre pièce d'identité ? Merci de vous présenter à la porte E. Au revoir.